Alléluia. You make my life so beautiful. Thank you, Jesus. As you are, you are make me alive. There's nothing greater than tears. That's why I love you forevermore. You make my life so beautiful. Hallelujah. And as you are, you have made me alive. There's nothing greater than tears. That's why I love you forevermore. I want more of you, Jesus. Hallelujah. I want more of you, Jesus. The more I know you, the more I want to know you, Jesus. More of you. Oh God, I want more of you, my Lord Jesus. I want more of you. Hallelujah. The more I know you, the more I want to know you, Jesus. More of you. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus, more of you, more of you, more of you, my Lord, more of you, Jesus, Jesus, more of you, more of you, more of you, my Lord, more of you. Jesus, more of you, more of you, Lord, more of you, my Jesus, more of you, oh, Jesus, more of you, oh, Lord, Jesus, no, oh, Lord. I want more of you. You make my life so beautiful. And as you are, you have made me alive. There's nothing greater than this. That's why I love you forever. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Seigneur, nous te remercions ce matin pour la grâce, pour la vie. Seigneur, pour la force que nous avons. C'est pour ce temps que nous passons dans ta présence. Seigneur, nous prions une fois. Ta parole est destinée, est envoyée pour accomplir un dessein. Seigneur, je prie que ce dessein soit accompli dans la vie de chaque personne. Au nom de Jésus. Seigneur, prépare nos cœurs. Que le Saint-Esprit dispose bien nos cœurs ce matin pour recevoir. Seigneur, je prie contre tout mauvais esprit. qui nous empêchera de recevoir cette parole. Au nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen. Alléluia. Sois s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que vous êtes content ce matin? Est-ce que vous êtes béni par le ASI? Le fer aiguise le fer. Alléluia. Et je pense que... Qui sont ceux qui étaient là? Oh, ici la personne était là. Ici. Wow. Alléluia. C'est un moment qu'on ne doit pas rater. Alléluia. Ça nous montre un autre aspect du ministère. Alléluia. Et ça nous permet de recevoir de notre Père. Alléluia. La parole de Dieu. Amen. Et je pense que nous sommes en train d'aller à un autre niveau du ministère. Alléluia. Amen. Yeah. Et ce matin, je veux dire à tout le monde ici, si tu es là, et si tu entends ma voix, je veux te dire d'aspirer à être un ouvrier. Alléluia. Aspirer à être quelqu'un qui veut faire quelque chose pour le Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Parce que tu vas réaliser que lorsque tu meurs, tes habits ne vont pas aller au ciel. Ton diplôme, personne ne peut utiliser. Et si personne ne peut utiliser, les anges n'en ont pas besoin de ton diplôme au ciel. Alléluia. Yeah. Et ton argent, tes richesses, alléluia, et tous ceux dont tu as ne vont pas aller au ciel. Alléluia. Ce que tu vas amener au ciel, c'est ce que tu as fait spirituellement. Alléluia. Et ce que tu as fait spirituellement, il y a beaucoup de choses. Mais l'une de ces choses, sont les âmes que tu as gagnées. Alléluia. Lorsque tu lis Apocalypse, la Bible dit que tes œuvres, alléluia, tes œuvres vont te suivre. Tes œuvres. Quelles sont ces œuvres? Alléluia. Yeah. Les œuvres de gagner les âmes. C'est ça qui va t'amener au ciel. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et donc, tout le monde ici doit aspirer. C'est pourquoi le livre est important. Alléluia. Le livre là, tu vas comprendre. Parce que tous ici, hein, ou bien beaucoup d'entre nous, nous pensons que seulement certaines personnes qui peuvent faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais lorsque tu lis, tu vas réaliser que toi aussi, tu peux faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Yeah, parce que tu vas arriver au ciel et tu vas regretter que tout le temps que tu as passé, si tu as 80 ans, bien 100 ans, passer ça sur la terre, tu as seulement perdre le temps sur la terre en cherchant d'autres choses. Alléluia. Yeah, en cherchant d'autres choses. Est-ce que vous comprenez que... Yeah. Et donc, il faut commencer à renouveler ton intelligence concernant les choses spirituelles. Alléluia. Concernant ce que tu peux faire pour Dieu. Je ne suis pas le seul. Est-ce que si le Seigneur a un projet à faire sur la terre, alléluia, est-ce qu'il va seulement prendre 10 personnes pour faire ces choses? Est-ce qu'il va seulement prendre 100 personnes pour faire ces choses? Ah! Hein? Non! Il va demander à tout le monde de faire ça pour lui, ou bien? Yeah. Il a dit « Allez !» Il n'a pas dit « Ok, j'ai sélectionné certaines personnes pour aller. » Il a dit « Tout le monde, allez et puis gagner les âmes. » Alléluia. C'est tout le monde. Tout le monde. Donc, si tu es ici, tu fais partie. Alléluia. Donc, c'est seulement que la Bible dit que tous sont appelés, mais peu répondre. Hein? Peu répondre. Il faut te dire que si peu répond, je vais faire partie de ce peu. Ou bien, yeah, je veux faire partie de ce peu. parce que beaucoup vont regretter. Ils vont aller à main vide. Main vide. Ils vont dire, oh Seigneur, je suis en train d'aller à l'école, je suis en train de travailler, chercher de l'argent, je suis en train de faire autre chose, je suis en train de me marier, je suis en train de chercher un homme qui va me marier, je suis en train de chercher des cheveux brésiliens, je suis en train de chercher les perles de chaussures. Seigneur, donc j'avais pas le temps, j'avais l'école, je dois aller apprendre. Hein, j'ai des soucis dans ce monde, Seigneur, j'étais en train d'aller chercher, essayer de voir si ces soucis vont disparaître. Donc, Seigneur, j'avais pas le temps pour toi. Tu ne peux même pas. Hein, en ce temps-là, tu ne peux même pas donner ces raisons parce que tu vas réaliser que ce n'est même pas des raisons. Hein, valables. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? C'est quelque chose d'important que je suis en train de dire ce matin. Alléluia. Lorsque tu es né dans ce monde, tu es programmé. Ok, il n'y a pas de problème. Tu es programmé. Hein? Tu es programmé à te concentrer sur des choses sur la terre. Sur des choses temporaires. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Naturellement, nous sommes programmés pour des choses temporaires. Yeah. Je te dis la vérité. Yeah. Tu es programmé. Parce que c'est comme, oh, j'ai 28 ans. Je dois me marier. Le mariage, c'est temporaire. Et tout ce que tu cherches sur cette terre, c'est un mari. Tout ce que tu cherches sur cette terre, c'est un diplôme. C'est temporaire. Nous sommes programmés pour des choses temporaires. Tout ce que je sais, c'est de l'argent. Je vais être le plus riche d'Abelengpe. Hein? Temporaire. Nous sommes programmés pour des choses temporaires. Naturellement. Donc, notre concentration, tous les efforts, tout ce que nous faisons, tout le temps que je passe, c'est pour cette chose-là. Je te dis la vérité. C'est temporaire. Ça va seulement durer pour les années que tu vas passer sur cette terre. Et 100 ans, c'est très peu. C'est petit, 100 ans. Avec 1000 ans, au ciel, 1000 ans, c'est comme un jour. Ou bien, 1000 ans, c'est comme un jour. Alléluia. Donc, si tu vas passer ton temps sur cette terre et seulement chercher cette chose temporaire, donc c'est inutile. Ou bien, vraiment c'est inutile. Il faut bien me comprendre. Je ne dis pas que ces choses ne sont pas importantes. Ces choses sont importantes pour nous. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? On va aller à l'école, on va se marier, on va trouver de l'argent, tout ça là. Mais ces choses normales nous aident à chercher les choses éternelles. Yeah, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Vous comprenez ce que je dis? Yeah, si tu ne comprends pas, je ne sais pas. Peut-être que je parle bien un bon français. On doit chercher un bon français pour te faire comprendre. Yeah. Yeah. Il faut penser à quelqu'un qui est déjà mort. Quelqu'un que tu connais très bien. Il faut penser à les choses que la personne était en train de chercher sur cette terre. Et puis te poser la question. Où est cette chose que la personne cherchait? C'est où? Est-ce que la chose dure encore? Si la personne était mariée, le mari ou bien la femme allait se marier à une autre personne. C'est fini. C'est fini. Ou bien? Si c'est à cause de l'iPad, quelqu'un est en train d'utiliser l'iPad quelque part. Paisiblement. Temporaire. Si c'est un diplôme, les enfants ne peuvent pas utiliser le diplôme. Les enfants ne peuvent pas. Ou bien, ne peuvent pas utiliser. Donc, c'est très, très important de changer, de renouveler ton intelligence et te dire que, oui, je suis en train d'aller à l'école, oui, j'ai un projet très important pour ma vie sur cette terre, mais je ne dois pas oublier la raison éternelle pour ma vie. Si c'est à cause d'un diplôme ou bien c'est à cause de l'argent, Hein? C'est à cause de ça que nous sommes ici. Nous sommes en train de faire des sacrifices. Nous sommes en train de donner notre corps pour, comme une machine sexuelle. Quand tu es perdu, tu es perdu. Commence à renouveler l'intelligence. Et commence à se dire que non, je dois amener quelque chose au ciel. Et l'une des choses qu'on peut amener sont les armes. Sont les armes. Yeah. C'est ça. Il faut aller lire la Bible. Apocalypse. Il faut aller lire. Lire la Bible. Alléluia. Certains d'entre vous, vous allez arriver au ciel et beaucoup de monde, c'est comme par exemple tous ceux qui sont ici, le nombre de personnes qui sont ici, vont venir te rencontrer. Yeah? Vont venir te rencontrer. On dit, à cause de toi, je suis au ciel. Et à cause de cela, le Seigneur va te dire que tu as bien fait. Tu n'as pas oublié la cause éternelle pour ta vie. Et va te donner une couronne. Au ciel, je vous dis chaque fois, le Seigneur est juste. Yeah? Le Seigneur est juste. Il est fait. F-A-I-R. Il se fait juste. Alléluia. Il va nous récompenser selon ce que nous avons fait pour lui. Alléluia. Si tu as seulement gagné 2 personnes pour lui, et quelqu'un a gagné 100 personnes, c'est dit, ah mais c'est pas la même récompense, ou bien, même les hommes, on nous récompense selon ce que nous faisons, ou bien, ou bien tu vas main vide, que j'ai reçu le salut, Seigneur, c'est fini, hein, c'est ce qui est important pour moi, c'est fini, je vais au ciel, et tu vas arriver main vide. Et c'est tout, tu ne vas rien. Ok, tu es là, reste là-bas. Et on va donner des récompenses aux autres personnes. Alléluia. Yeah. Sur cette terre, les gens se battent pour recevoir des prix. Ou bien, même à l'école, on va prendre pour être le premier. Hein? Yeah. On se bat pour des prix. C'est bon, c'est pas mauvais. C'est bon. Mais on doit aussi se battre pour le ciel, pour recevoir des prix au ciel. C'est la réalité. C'est bon de donner ta vie, mais il y a plus. Alléluia. Il y a plus. Ou bien, il y a plus. Pourquoi tu as besoin de ce livre? Tu as besoin de ce livre pour comprendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. Yeah, tu peux acheter ça, tu peux lire, tu peux comprendre. Sinon, tu vas rater. Tu vas dire, ah, le gars là, le petit gars là, anglophone, qui est le Ghanéen là, qui prêchait le jour là, il m'a montré. Lorsque tu arrives au ciel, on va te montrer une vidéo de ce qui s'est passé dans ta vie. Lorsque tu commences à donner des excuses à Dieu, oh Seigneur, puis Pierre sera, oh Pierre, tu étais aussi sur la terre, non? Tu connais ce qui se passait sur la terre. Yeah, tu vas commencer à dire à Pierre, tu es un témoin parce que tu es aussi sur la terre. Alléluia. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu commences à donner des excuses, on va te donner une vidéo de ta vie. Tout ce qui s'est passé et toutes les opportunités qu'on t'a données pour faire l'œuvre, pour donner ta vie à Dieu, tout entière. Et tu vas dire, ah, et puis tu vas te rappeler de moi. Non, bien tu vas me voir. Je suis en train de te montrer le livre. tu vas dire, si je savais. C'est trop tard. Trop tard. Serait trop tard pour toi. Pas critiquer. Les gens critiquent là, parfois, on ne veut même pas entrer dans les discussions inutiles. Parce que la vérité est toujours la vérité. Yeah. Yeah. Peut-être ce matin, tu as des questions. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je ne comprends pas où j'ai cette question. Ça ne va pas changer ce qui est dans la Bible. Ou bien, yeah, ça ne va rien changer. La Bible est toujours la Bible. Il faut justement se chercher à comprendre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Donc ce matin, nous allons continuer. Et donc si tu as besoin d'une copie, à parce que tout le monde doit avoir une copie de ce livre. Tu peux acheter tout de suite. Alléluia. Parce que nous sommes en train d'apprendre la Bible. Beaucoup sont appelés. Nous sommes en train d'apprendre. Beaucoup sont appelés. Hein? Nous sommes en train d'apprendre. Beaucoup sont appelés. Tu ne comprends pas ce qu'il sait. Beaucoup sont appelés. Et c'est expliqué ici. C'est pourquoi nous prenons le livre. Alléluia. Vous comprenez? Yeah. Parce que beaucoup de choses, la Bible n'a pas bien expliqué. Beaucoup sont appelés. Peu on ne comprend pas bien. C'est expliqué ici. Alléluia. Ah. Donc, nous sommes en train de les quatre bénéfices. Hein? On a commencé avec les obstacles. Alléluia. Le chapitre 14. Quatre avantages à porter des fruits. Hein? Lorsque tu portes des fruits, il y a quatre avantages. Quatre. Chapitre 14. Les quatre avantages lorsque tu gagnes les âmes, lorsque tu portes des fruits. Lorsqu'on dit porter des fruits, c'est comme tu as mis au monde. Alléluia. C'est comme tu as mis au monde quelqu'un. Amen. Paul a dit, je vous ai engendré. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous ai mis au monde. Alléluia. Et lorsque tu mets quelqu'un au monde, en spirituellement, c'est que tu as aidé la personne, bien tu as amené la personne à être sauvée, bien à recevoir le salut, à naître de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train d'expliquer un peu. On dit que j'ai engendré. Ou bien j'ai gagné une âme. Ou bien j'ai fait quoi? J'ai porté de fruits. Tout cela dit la même chose. Alléluia. Cela veut dire que tu as aidé quelqu'un à recevoir le salut. Alléluia. Donc la personne devient ton bébé. La personne devient ton enfant. Spirituellement. Alléluia. Beaucoup de personnes n'auront pas, de femmes n'auront pas des enfants. Il y a des personnes qui ne vont pas mettre au monde physiquement, bien biologie, pas biologie. Ils n'auront pas d'enfants. Alléluia. Il n'y a pas, à cause d'une raison ou autre, ils n'auront pas d'enfants hein, biologiques. Mais peuvent avoir des enfants spirituels. Yeah. Peuvent avoir des enfants spirituels. Et lorsque tu arrives au ciel, pas les enfants biologiques, ce sont les enfants spirituels que tu vas rencontrer. Et c'est là que le Seigneur va te récompenser, pas à cause des enfants biologiques. Vous comprenez ce que je dis? Yeah. Tu mets les enfants biologiques au monde pour faire l'œuvre de Dieu. Ou bien? Yeah. Mais à cause des enfants spirituels, le Seigneur va te récompenser. Alléluia. Donc beaucoup d'entre vous, vous aurez 100 enfants spirituels. Yeah. 50, 150, 200. Yeah. Certains d'entre vous, vous êtes des évangélistes. Tu ne sais pas, tu es évangéliste. Et tu auras des milliers de personnes que tu vas gagner pour le Seigneur. Yeah. Et le Seigneur va te récompenser. Pas 2 enfants, bien 10 enfants biologiques que tu as, non. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Yeah. Alléluia. Donc, 4 avantages. 4 avantages. Porter de fruits vous fera. Hein, fera. Hein? Vous n'aurez pas honte. Lorsque tu portes des fruits, tu n'auras pas honte le jour du jugement. Hein? Le jour du jugement, tu n'auras pas honte. Tu n'auras pas honte. Alléluia. Tu n'auras pas honte. Hmm? Tu n'auras pas honte. Apocalypse 14, verset 13. Bien, verset 12, verset 13. OK? Tu n'auras pas honte. Apocalypse 14. Est-ce qu'on peut ouvrir la Bible? Si tu n'as pas le livre, tu peux ouvrir la Bible avec nous. Alléluia. Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alléluia. Yeah. Écris heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alléluia. Ce n'est pas la comptabilité. Hein? Ce n'est pas le bancaire ou bien la banque. Ce n'est pas la banque qui va te suivre. Ce n'est pas le pétrole. Le pétrole du Gabon. Ce n'est pas le pétrole du Gabon qui va te suivre. Yeah? Les gens restent sur la mer, sur l'océan pour des mois. À cause du pétrole ou bien de d'autres choses. Ou bien. Yeah. Mais ce n'est pas ça qui va te suivre pour aller au ciel. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas ça qui va te suivre. Yeah. Ce n'est pas l'œuvre de ménage. Tu es en train de ménager et puis préparer la chéquette pour ton mari. Oh Seigneur, je suis en train de préparer la nourriture pour mon mari. Donc, je n'ai pas eu le temps de prier ou bien de gagner des âmes. Ce n'est pas ça. Alléluia. Yeah, ce n'est pas ça. Et l'évêque a dit quelque chose même. Hein? Il a dit, heureux. Hein? Il a dit maintenant, attention, il n'a pas dit, heureux ceux qui sont dans la chorale. Est-ce que c'est ça que la Bible a dit? Heureux ceux qui sont dans la chorale. Heureux ceux qui meurent dans l'église. Yeah? Non. Heureux ceux qui sont dans le Seigneur. Ceux qui meurent dans le Seigneur. Alléluia. Donc c'est important d'être sauvé. Pour la première chose, c'est important d'être sauvé dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Alléluia. C'est important de donner ta vie à Dieu. C'est heureux. Tu seras content lorsque tu te retrouves au ciel. Donc ceux qui ne veulent pas donner leur vie à Dieu là, c'est pas heureux. L'opposé des heureux, c'est quoi? Malheureux. Tu vas voir que malheureux ceux qui sont dans l'enfer. Parce que c'est un malheur. Un malheur. C'est humiliant. Malheur dans l'enfer. Alléluia. Yeah. Mais la dernière partie qui est importante. Hein? La dernière partie dit quoi? Leurs œuvres. Tu es né de nouveau, tu es dans le Seigneur, mais tes œuvres vont te suivre. Alléluia. Il dit que repose-toi, maintenant repose. Lorsque tu meurs, tu ne peux pas travailler. C'est fini. Tu n'auras plus l'opportunité. Ceux qui disent, oh non, ok, pasteur, attends, je suis en train de faire quelque chose. Lorsque je finis, lorsque j'ai 30 ans, 40 ans, 50 ans, lorsque je suis à retraite, donc, je peux maintenant, Seigneur, travailler pour toi. Parce qu'avant, on pensait que ce sont les vieux qui sont des pasteurs, qui doivent être pasteurs. Ou bien, ce sont les vieux qui doivent travailler pour Dieu. Nous, les jeunes, on a d'autres choses à faire. Yeah? Il faut lire la Bible. Voir que la Bible dit que ceux qui doivent servir le Seigneur, c'est à l'âge de 4, quel an? 25 ans. Travaille pour Dieu, 25 ans. Dieu a besoin de ce sang chaud, de cette énergie que tu as pour faire son œuvre. Est-ce que Dieu est fou? On ne peut même pas dire ça. Il a besoin de nous. Ce n'est pas lorsqu'on a fini, il n'y a plus d'énergie, on ne peut rien faire. C'est en ce moment on se met à l'œuvre pour Dieu. Non. Non, ça ce n'est pas correct. Est-ce que toi, tu as une entreprise, tu as une société, et tu vas employer ceux qui ont 70 ans, même 40 ans, même 50 ans. Non. Tu as besoin des jeunes qui peuvent travailler, bien travailler. Alléluia. Donc Dieu a besoin de nous pour faire l'œuvre. Alléluia. Psaume 127. Psaume 127. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis déjà? Yeah. Psaume 127. Il faut lire avec moi. Il faut lire la Bible. Psaume 127. Verset 5. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Hein? Il ne sera pas confus Quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Alléluia. Yeah. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus. Alléluia. Hein? Quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Alléluia. Yeah. Qui remplit son carquois avec quoi? Avec des enfants. Alléluia. Ici, il est en train de parler des enfants. La personne qui a des enfants, beaucoup d'enfants, ne sera pas confus. Ici, il est en train de parler des enfants spirituels. Alléluia. Donc, gagner des âmes. Gagner des âmes. Avoir des enfants. Mettre au monde. Aider les autres. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Les suivre. Parler avec eux. Les amener à l'église. Alléluia. Yeah. S'amener à l'église. Pour être sauvés. Pour recevoir la parole de Dieu. Un jour, ce qui est important, c'est l'esprit. Ce qu'on a fait pour l'esprit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc, le jour du jugement, tu n'auras pas honte. Avec les mains vides, oh, tu vois les gens qui ont beaucoup d'âmes. Le Seigneur dit, oh, hein, heureux, celui qui a gagné beaucoup d'enfants, reçoit ta récompense, les couronnes. Donne des couronnes et puis tu es là, mains vides. Tu n'auras pas honte lorsque tu as quelque chose. Ou bien, yeah, tu n'auras pas honte. Tu n'auras pas honte. Alléluia. Tu n'auras pas honte. Parce que tu as gagné des âmes pour lui. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. Yeah. Lorsque vous mourrez, bien nous mourrons, nous ne pouvons pas prendre quelque chose avec nous. Ok. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas prendre avec vous votre voiture, votre argent, même vos vêtements. Après la mort, la seule chose qui est importante, c'est les œuvres. C'est-à-dire les fruits que vous avez portés durant votre vie chrétienne. Alléluia. Les gens que vous avez établis. Hein? Lorsqu'on dit établis, les gens que vous avez aidés à être comment? À être stable dans l'église. Alléluia. À être engagés dans l'œuvre de Dieu. Ce sont des personnes qui seront importantes lorsque le jour du jugement. Ah, après la mort. Alléluia. Donc, avec tous les efforts que nous faisons, avec tous les sacrifices que nous faisons, il ne faut pas oublier le sacrifice pour les âmes, le sacrifice pour l'œuvre. Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu une parole ce matin? Yeah, le Seigneur te parle. Ce n'est pas moi, le Seigneur te parle ce matin. Alléluia. Yeah. Dans cette église, on va t'aider. Un jour, tu vas dire que c'était une bénédiction d'être dans cette église. Yeah. Yeah. Yeah. On t'amène à être pratique dans l'église. Un chrétien pratique. Un chrétien pratique qui pratique ce que la Bible dit. Alléluia. Yeah. Yeah. Wow. Amen. Deuxième avantage, porter des fruits vous apportera beaucoup de joie. La joie. La joie. Alléluia. La joie. Vous savez, dans cette vie, tout le monde cherche. Qui ici ne cherche pas la joie? Hein? Qui veut la joie? En abondance. La joie. Vous voyez, dans tout ce que nous faisons dans cette vie, à la fin, c'est la joie que nous voulons. La joie et la paix. Ou bien, yeah, être en joie. Si c'est le diplôme que tu cherches, ce n'est pas vraiment le diplôme. Parce que lorsque tu as le diplôme, c'est la joie. Tu es fier. Ou bien, yeah, c'est la joie. Alléluia. Il y a un jour, quelqu'un m'a dit, après le graduation, il y a la graduation. Après, il a dit que, ah, donc c'est tout. Donc, c'est tout ça là. Donc, c'est à cause de ça que je suis en train de battre. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que les choses matérielles, yeah, vraiment ne donnent pas vraiment la joie. Yeah. Comme l'ami qui a dit, oh, donc après tout là, c'est tout. Le diplôme là, c'est tout. Le papier là, c'est tout. Yeah. C'est comme tu es en train de chercher. Ok, lorsque j'ai le diplôme, il y aura, je serai content. C'est comme il y a quelque chose qui va changer. Mais après tout, c'est le papier. Non, c'est tout. Je lui ai dit, c'est tout. C'est tout. Alléluia. Yeah. Tu vas voir que je suis en train de chercher de l'argent. Lorsque j'ai 10 millions, ou bien ça attend le western. C'est comme tu as en anglais, on dit anxious. Anxious en français, c'est quoi? Anxieux, tu es anxieux. Oh, le western, ok, on m'a appelé le western. Viens demain. La nuit, là, tu ne dors pas, ou bien. Tu es en train de vérifier le code, l'heure, et puis c'est où, c'est quelle banque, c'est quel. Ouais. Le taux, et tu vérifies le taux. Et tu ne vas pas dormir. Yeah. Lorsque le western arrive, les premières secondes ou bien minutes, tu reçois, tu fais un petit calcul, addition, soustraction, tu vas voir que, ah, mais c'est tout ça, c'est fini même. C'est fini même. La joie est partie. Ouh! Et tu vas voir que tu as sommeil, mais tu n'arrives même pas à dormir. Parce que la nuit avant, là, tu n'as pas dormi. Yeah. Les choses matérielles ne donnent pas la joie. Yeah. Oh Seigneur, donne-moi un bilot, une bilot, un bilot, un bilot. Tu pries, tu ne dors pas. Yeah. Lorsqu'on dit, ok, oui, je suis ton bilot. Il dit, ah, donc c'est tout. Donc c'est tout. En plus de cela, le bilot, bien la bilot te donne des mots, des soucis. Les gens, il y a des gens qui pleurent même. La bien-aimée est là. Ou bien le bien-aimé. Il est là, mais tu es en train de pleurer. Parce qu'il n'a pas appelé. Il n'a pas répondu à l'appel. Lorsque tu as appelé, il a dit, oh, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a même pas dit, je t'aime. Dans le jour-là. Le jour-là, tu ne vas pas dormir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je lui ai dit qu'il n'a pas aimé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu envoies un test. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai mal? Avec une page. Ton téléphone même n'arrive même pas à prendre le test. Parce que c'est une page pour expliquer. Il met seulement OK. La situation même est aggravée maintenant. Avec tout ce que j'ai écrit là, il a dit seulement OK. Un homme, une femme ne satisfait pas. Quel est le chant qu'on chante là? Yeah. Rien ne peut me satisfaire comme toi. C'est le Seigneur qui satisfait. Yeah. Et en plus, lorsque tu gagnes une âme, lorsque tu amènes quelqu'un à accepter le Seigneur, ceux qui ont déjà fait peuvent attester avec moi. Tu as une certaine joie que la personne a accepté le Seigneur. Alléluia. Lorsque je vous vois chaque matin, je suis très content. Lorsque je pense à ça un peu, j'ai les larmes aux yeux. Lorsque je vois Golden, qui est ici, assis ici. Je me rappelle, à côté de moi, on va à la maison là-bas, avec sa soeur. La soeur va dire, parle à ma, appelle-la, parle à ma, parle à elle. Peut-être qu'elle va venir. On dit, oh non, ok, je viens. Dimanche, elle ne vient pas. Parlez. Ou bien, yeah. Et puis, un jour, elle est venue à l'église. C'était content. Aujourd'hui, yeah. Aujourd'hui, lorsque tu, c'est comme lorsque elle est née avec l'église. Yeah. C'est comme elle est née avec l'église. Yeah. Lorsque je vous vois, je suis très content. Yeah. Lorsque je te vois, la fille là, comment dire? Le nom c'est quoi? Sarah, je suis très content lorsque tu es là. C'est une joie. Est-ce que vous comprenez? C'est en ça que tu vas trouver la joie. C'est pas l'argent. C'est pas un homme. C'est pas un mari. C'est pas une femme. C'est pas le sexe. Après le sexe, tu es même. C'est comme tu es. C'est que tu es tombé dans de l'eau sale. Ou bien. Donc, si c'est avec le diplôme, tout l'argent que nous cherchons, c'est pour la joie. Et Dieu nous montre un moyen pour avoir cette joie éternelle. Pourquoi ne pas gagner des âmes? Pourquoi ne pas? Regarde une femme grosse, en grossesse, le jour d'accouchement. Ce n'est pas facile. Malheureusement, moi, je n'ai pas été. Je ne saurais même pas. Dans cette situation. Alléluia. Yeah. Il faut aller demander à ta maman, ta soeur, bien celles qui sont ici, qui ont des enfants. Il faut aller demander. Quelle est la douleur? Mais après l'accouchement, c'est fini. Elles oublient tout. Yeah. Elles oublient tout. Et tu te poses la question, donc avec cette souffrance, pourquoi la femme va aller encore ce matin, encore une fois, encore, yeah, yeah, yeah, yeah. Ma maman a 10 enfants. Yeah, 10. J'ai dit, hey, maman, ça, c'est pas facile. Yeah, 10. Et 4 ont décédé. 4 ou bien 3, yeah, je pense que c'est 3. Yeah. J'ai dit, hey, donc, c'est pas facile, oh. Mais après, à cause de la joie, lorsque tu vois le bébé, c'est fini. C'est pourquoi lorsqu'on est triste, lorsque quelqu'un va à l'accouchement et puis l'enfant est décédé ou bien la personne est décédée, il y a une grande tristesse. Avec les 7-9 mois de souffrance, on n'a pas le bébé. Alléluia. Donc, c'est la même chose spirituellement. Lorsque tu aides quelqu'un à donner sa vie à Dieu, c'est une nouvelle naissance. C'est ce que la Bible dit. Et lorsque tu as ça, il y a une grande joie. Une joie qui ne finit jamais. Yeah. La joie de l'argent finit. La joie finit. L'argent même donne des souffrances, des douleurs, des soucis même. Lorsque tu as beaucoup d'argent, un Richard a un souci. Le souci, c'est quel souci? Peut-être deux. Deux soucis. Que ça ne finisse pas, ça c'est un souci. Donc, fais tout et tout pour que ça ne finisse pas. Et puis, deuxième chose, un voleur va voler. Dans la nuit, il ne dort pas. Certains enfants, lorsque vous recevez le Western, vous mettez l'argent sous l'oreille. Parce que la nuit, peut-être que la nuit, quelqu'un va voler. Alléluia. Il y a une joie lorsque tu gagnes une âme. Pas te amener l'homme là, le gars là qui te crée des problèmes là. Pas seulement évangéliser. Parle avec quelqu'un. Tu vas voir que tu as la joie. Faut laisser la fille là qui t'amène beaucoup de soucis là. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a une joie lorsque tu gagnes les âmes. Alléluia. Jean 16, verset 21. Ok? Il dit, elle ne se souvient plus de la. Ok, il parle de la femme en grossesse. À cause de la joie qu'un homme soit né dans le monde. Il y a une joie. Donc, on oublie la douleur d'accouchement. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? La douleur d'accouchement, on oublie tout. Amen. Yeah. Yeah. Yeah. Wow. C'est pourquoi il ne faut pas être des enfants. Yeah. Il ne faut pas être des enfants. Lorsque je parle d'enfants spirituels, est-ce que vous comprenez? Yeah. Parce que ceux qui portent de fruits, ceux qui mettent au monde, Alléluia. Ce sont ceux qui sont matures. Ce sont des adultes qui mettent au monde. Ou bien, yeah, ce sont les adultes qui mettent au monde. Pas des enfants. Et on a parlé des caractéristiques des gens qui portent de fruits, c'est ça, non? Yeah. Donc, ce sont des adultes qui portent de fruits. Donc, si tu es ici et tu ne portes pas de fruits, ça montre une certaine manque de maturité. Tu n'es pas mature. Depuis que tu es né de nouveau, tu n'as pas grandi jusqu'à ce que tu commences à porter de fruits. Ou bien, yeah. Enfants, donc tu dois grandir. S'il vous plaît, tu dois grandir. Alléluia. Tu dois grandir. Et la première des choses à t'aider à grandir, c'est la stabilité. Hein? Je vais lire quelques versets. On va terminer pour aujourd'hui. Avant de partir. Parce que si c'est porter de fruits qui va te donner la joie, donc pourquoi ne pas porter de fruits? Alléluia. Éphésiens. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Donc les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, alléluia, hein, sont donnés pour nous perfectionner, pour l'œuvre. Alléluia. Donc je suis ici pour vous perfectionner pour l'œuvre. Perfectionner, t'enseigner, pour te montrer, te former pour l'œuvre. Est-ce que vous comprenez? Et puis verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Donc, je suis en train de vous former, enseigner. Alléluia. Jusqu'à ce que vous grandissez, vous devenez homme, pas enfant, homme. Ou bien, parce que dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, dit quoi? Comme désiré, des enfants nouveau-nés, le lait spirituel. Donc maintenant que vous êtes nés de nouveau, désirez le lait spirituel qui est la parole de Dieu. Jusqu'à ce que lorsque nous sommes en train de continuer, perfectionner, enseigner, prêcher la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, méditer, vous devenez comme des hommes. Vous devenez jusqu'à l'état de l'homme fait. Alléluia. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Comme devenant comme Christ. Alléluia. Donc nous sommes sur la voie de devenir comme Christ. Et la Bible, on ne pourra jamais jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'on va au ciel. Alléluia. Mais verset 15, 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Tu es devenu homme, donc tu ne seras plus comme un enfant, flottant, emporté, à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de sédition, mais que professant la vérité dans la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Waouh! Alléluia! Donc tu as besoin d'être stable, non flottant, et emporté par des doctrines, les tromperies des hommes. Alléluia! Amen! Est-ce que vous comprenez? Yeah. Flottant, lorsque tu flottes, tu ne peux pas grandir. Flotte, emporté par d'autres choses. Ok, il y a une réunion de chrétiens ici, on va aller prier. Donc, oh, pasteur, je viens pas. Je suis avec ce groupe de chrétiens. Nous prions chaque samedi. Chaque dimanche matin, nous prions ici. Ensemble. Alléluia. Flottant. Ok, il y a un miracle quelque part là-bas. Ok, pasteur, il y a un miracle. Il y a un prophète qui est venu avec des miracles et puis des prophéties. Je veux des prophéties. Tu es emporté par. Alléluia. Le vent. Emporté par le vent. Alléluia. Tu dois être stable. Stabilité. Pas comme un enfant. Ou bien. C'est pas les miracles qui font grandir. Bien qu'ils font grandir. C'est pas les miracles. Ou bien, pas des prodiges. On dit des prodiges, non? Des prodiges. C'est pas des prodiges qui font grandir. C'est pas des prodiges. C'est pas les miracles. Oui, les miracles sont là, oui, sont importants. Et les gens vont recevoir les miracles ce matin. Yeah? Tu vas recevoir un miracle. Mais c'est pas ça qui va te faire grandir. Est-ce que vous comprenez? Yeah? C'est pas une prophétie qui se fait grandir. Dieu va te donner des prophéties, mais ce n'est pas des prophéties qui vont te faire grandir. C'est quoi? C'est la parole. La parole. Alléluia. Hébreu 5. Hébreu. Je pense. Hébreu 5. Alléluia. Vous êtes avec moi? Oh, je finis. C'est fini même, hein? Alléluia. Hébreux 5. Verset 12. Vous en effet, qui depuis longtemps, devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus avoir besoin de lait, non d'une nourriture solide. Alléluia. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les enfants, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et de ce qui est mal. Waouh, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Alléluia, la nourriture solide. La nourriture solide, c'est la parole de Dieu. Le lait, c'est lorsque tu es né de nouveau, on t'enseigne. Hein? L'homme est un esprit. Il possède une âme et vit dans le corps. Ce sont des rudiments des choses de base. Alléluia. Hein? Si tu ne sais pas que tu es esprit, donc c'est comme tu n'as même pas commencé. Alléluia. Nous sommes esprits. Nous possédons une âme. Nous vivons dans le corps. L'esprit donne vie au corps. Alléluia. Ce sont des choses de base. Ok, prier aujourd'hui, tout ça là. Mais il y a une parole qui te dit, pardonne ton prochain, ton voisin, pardonne. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à pardonner facilement. Là, c'est une parole dure, la nourriture solide. C'est lui qui m'a offensé. Il n'a même pas demandé pardon. Comment est-ce que je dois aller lui donner pardonner? C'est la nourriture solide. Ou bien, Donc la parole de Dieu, on doit, comment on dit, ruminer. On doit méditer. On doit exercer pour que nous grandissons. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc lorsque tu commences à mettre la parole de Dieu en pratique, tu exerces. Oh, ça c'est bien. Ça c'est pas bien. Ça c'est bien. Oh, ça c'est pas bien. Ça c'est mauvais. Ça c'est pas mauvais. C'est bon. Lorsque tu commences à mettre la parole de Dieu, à discerner entre le bien et le mal, tu commences à être un homme maintenant. Alléluia. Tu peux facilement... Oh non, ça c'est fornication. Lorsque je regarde la fille avec quoi? Avec quoi? Convoitise. Lust. Lust c'est quoi? Convoitise. Convoitise. Lorsque tu regardes tout fille, tu regardes, tu as en tête le sexe. Tu es un enfant. Tu n'as pas commencé à exercer la parole de Dieu. Ou bien, Donc la nourriture solide, la nourriture solide, c'est la parole qui est dure, tu dois mettre ça en pratique et tu vas sentir vraiment que ça l'est. C'est pas facile. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de grandir ce matin? Yeah. On doit grandir. Yeah. Et ne pas être trompé. Et puis, oh, dimanche, on décide de ne pas venir à l'église. Oh! Un enfant. Décide. Ok, oh, Seigneur, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas. Tu es malade? Non, je ne suis pas malade. Mais je ne me sens pas bien, donc je ne viens pas à l'église. Un enfant est en train de parler. Alléluia. Vous comprenez? Yeah. Flottant, quelque chose petit. Tu sens un peu. Donc tu ne viens pas à l'église. Tu dors un peu. Tu te lèves. Ouf. Tu n'arrives pas à te. On doit te réveiller. Un enfant est réveillé ou bien? On est réveillé. Alléluia. Est-ce qu'on va grandir et commencer à porter de fruits? Yeah. C'est pourquoi tu es toujours dans la tristesse. Tu es toujours dans la tristesse. Parce que tu n'as pas grandi jusqu'à ce que tu commences à porter de fruits. Hein? Alléluia. Mais à partir d'aujourd'hui, toi, spécialement toi, tu es en train de grandir. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'aide à grandir. Tu commences à recevoir la parole et à mettre la parole en pratique. Au nom de Jésus. Waouh. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Levez-vous. Rien ne peut me séparer. Amour et beauté. Amour et beauté incomparable. Rien ne peut me satisfaire comme toi. Rien ne peut me satisfaire comme toi. Jésus, tu es la source qu'il t'arrive pas. Qui est comme toi sur toute la terre? Qui est comme toi sur toute la terre? Amour et beauté incomparable. Amour et beauté incomparable. Rien ne peut me satisfaire, Seigneur. Rien ne peut me satisfaire comme toi. Jésus, tu es la source qu'il t'arrive pas. Oh, ta présence. Oh, ta présence. Est incomparable. J'attendrai tous les jours de ma vie. Oh, oh, oh. J'attendrai tous les jours de ma vie. Le jour où je pourrai te voir. Le jour où je pourrai te voir face à face. Rien ne peut me satisfaire oh, comme toi, Seigneur. Rien ne peut me satisfaire comme toi. Jésus, tu es la source qu'il t'arrive pas. J'attendrai tous les jours de ma vie. Le jour où le jour là, le jour du jugement. Le jour où je pourrai te voir face à face. Non, rien ne peut me satisfaire comme toi. Jésus, tu es la source qui t'a. Oh, ta présence est incomparable. Est incomparable. C'est ça qui me donne la joie. Dans ta présence, j'ai la joie. Ta présence. C'est ça qui me satisfait. Est incomparable. trésor de mon cœur et de mon âme. Oh. Miséricordieux dans mes faiblesses. Miséricordieux dans mes faiblesses. Rédempteur de mes. Rédempteur de mes iniquités. Il est le rédempteur de mes iniquités. Tu tiens mon avenir. Tu tiens mon avenir en tête. Oh, une fois, ta une présence. Fois. Trésor de mon cœur. Trésor de mon cœur et de mon âme. Il est le trésor. Miséricordieux. Miséricordieux dans mes faiblesses. Oh, rédempteur. Rédempteur de mes iniquités. Est-ce que vous comprenez le chant? Seigneur, tu tiens mon avenir. Seigneur, mon avenir entre tes mains. Oh, ta présence, ta présence est incomparable, est incomparable. Seigneur, ta présence, oh, ta présence, ta présence, ta présence, Seigneur, ta présence est un, ta présence est un, est incomparable. Chante avec moi, oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus. Est-ce que tu peux lever les mains? Ta présence est incomparable. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Oh, Jésus. Ta présence est incomparable. Oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est incomparable, ta présence est incomparable. Encore une fois, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, ta présence, Seigneur, ta présence est incomparable. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est incomparable. Est-ce que tu peux fermer les yeux, remercier-le? Oh Seigneur, merci ce matin. Ta présence est incomparable. C'est toi qui nous satisfais. Toi seul, toi seul, toi seul. Toi, sœur, c'est toi qui tiens notre avenir dans tes mains. C'est toi qui es le rédempteur de nos iniquités. Oh Seigneur, merci. Merci, merci. Nous retrouvons la joie dans ta présence. Nous retrouvons la joie lorsque nous faisons l'œuvre, lorsque nous gagnons des âmes. Une joie incomparable, Seigneur. Merci, merci, merci. Et ce matin, aide-nous à grandir. Que nous commencions à porter de fruits pour toi. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Poussez un cri de joie. Alléluia. Avant de s'asseoir, nous voulons prier pour toi spécialement. Alléluia. Les danseurs vont lancer, les rappeurs vont rapper. Vous allez rapper? Vous allez rapper? Ok. Alléluia. Avant de s'asseoir, nous voulons prier pour toi, fermer les yeux. Si tu es là ce matin, tu n'as pas pris cette décision de donner ta vie à Dieu. Ce matin, tu te retrouves ici, tu réalises que tu as besoin du salut. Tu as besoin de Christ qui est le ton sauveur. La Bible dit qu'à moins que, avant de même de commencer à porter de fruits, tu as besoin toi-même du salut. Et ce matin, je veux te donner l'opportunité de donner ta vie. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Va prier avant de partir. C'est une opportunité pour toi. Une opportunité. Tu veux donner ta vie à Dieu. Tu n'as pas pris une décision de dire, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux le salut. J'ai besoin de toi. Si tu n'as pas, lève la main ce matin. Ce matin, tu as une opportunité. Lorsque tu quittes cet endroit, tu ne sais jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais ce matin, tu peux le faire. Tu peux le faire. Lève la main. C'est pas aller à l'église. C'est pas prier. Mais prends une décision. crois dans ton cœur, la Bible dit crois dans ton cœur, tu parviens à la justice. Et lorsque tu confesses, tu parviens au salut. Tu n'as pas fait ça. C'est pas que tu es né dans une famille chrétienne. Oh, je vais à l'église depuis l'enfance. Non, tu n'as pas pris une décision de donner ta vie. C'est ce que la Bible dit. Lorsque tu crois dans ton cœur et tu confesses, tu parviens au salut. Et ce matin, je te donne l'opportunité de parvenir au salut. Si tu es là, lève la main. Avant de partir, lève la main. Lève la main, lève la main. Lève la main. S'il y a quelqu'un qui a levé la main, tu as levé la main, est-ce que tu veux venir devant? Tu veux venir devant? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ok. Alléluia. Seigneur, je te remercie ce matin pour ta parole. Merci Seigneur pour le salut que tu as donné à ton peuple. Seigneur, je prie que nous allons grandir et commencer à porter de fruits et recevoir une joie pour nos vies. Seigneur, nous réalisons que les choses matérielles, les choses de ce monde ne vont pas nous donner la joie. C'est seul toi qui nous donnes la joie. Seigneur, je prie que nous continuions dans cette foi et nous continuons à gagner des âmes pour toi, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Et tout le monde dise Amen.